même. J'arrive, ouais ouais, K-A-Z, M-A-N. Ah ouais, on leur fait mal, on est carré. Et tu le fais, et O-B. Loin des rêves, y'a pas carré, t'es idée. Loin des rêves, nous on vit pour crever. C'est triste, mais la vie c'est cruel. Loin des rêves, on vit un cauchemar. Mais là, écoute ça, toi rapproche et écoute ça. Fuck, fuck, les jaloux et les chichards. Ici ça marche plus rare, les gens bien sûr sont rares. Elle rouge te parle, et t'es un truc, se prépare. J'ai tout pété comme le 11 septembre. Maintenant c'est fini dire, y'en a marre d'être sans le temps pas la main. C'est pour te l'apprendre, j'suis ton père, j'ai rien à t'apprendre. J'suis ni ton père, ni ta mère. Loin des grèves, j'ai compris qu'il faut se taire, sans propre salaire. Facile, ça en a l'air, j'mets tout le monde en malheur. T'avais que t'es fort, t'es trop de galère. Loin des rêves, faut pas te réveiller trop tard. Loin des rêves, oublie un putain de cauchemar. Loin des rêves, on peut sortir le bouche-là. Loin des rêves, nous on nique, nique les boutades. Loin des rêves, faut pas te réveiller trop tard. Loin des rêves, oublie un putain de cauchemar. Loin des rêves, on peut sortir le bouche-là. Je pense à faire des teams, on n'a pas d'estime pour l'argent. On veut du style sur la jambe, pas de bracelet sur la jambe. Quand j'arrive c'est vrai ma gueule, loin des rêves, pense à faire partie au nom de la patrie. En wagon on fait la poitrine, charassé les nazis. Si c'est Harbi, Carlo Tigueri, Kasklaoui arrive. On castre pas les frais, on leur laisse leur comprendre. Trop vrai, trop homme, ça chasse la monnaie de l'OP. À la fin, ça pense à la peine, pas fait pour faire de la peine. Ça pose plus ni aux mères, ni aux pères, ni aux sœurs, ni aux frères. Plus de cœur, c'est la merde, on va mourir sans rancœur avec zéro. SLS au compteur, un délibile, mon nom tagué au marqueur. Quand le maroc est high, j'arrive, high, je leur fais mal. High, boy, le hagrateur vol, un jour la route, mon frère, tu te feras mettre à la main, tu vas brûler comme mon enfer. Loin des rêves, faut pas te réveiller trop tard. Loin des rêves, on vit un putain de cauchemar. Loin des rêves, on peut sortir le bouche-là. Loin des rêves, nous on nique, nique les boutades. Loin des rêves, faut pas te réveiller trop tard. Loin des rêves, on vit un putain de cauchemar. Loin des rêves, on peut sortir le bouche-là. Loin des rêves, nous on nique, nique les boutades. J'ai rêvé d'avoir compte dans un cauchemar. La vie, c'est n'importe quel traquenard. La concurrence, la crache, la nage, la lâche. T'es malade, t'es banal, c'est normal. Loin des rêves, c'est de la caille, c'est vital et banal. Pour moi, l'argent rime avec bonheur. Le monde est aussi bonhomme. Moi, je prends vie, pas celle d'un homme. Non, pas besoin d'avoir un gun et puis un Range Rover. Pour être un homme, bro, y'a pas de number.